Negatives in French are fairly easy. In many cases, you can make them by placing the word ne before the verb and pas after it. For example, je comprends, I understand. Je ne comprends pas, I do not understand. Listen to some more examples and in the pause, copy the intonation. Je comprends. Je ne comprends pas. Ah oui, maintenant, je comprends. Non. Maintenant, je ne comprends pas. And now over to you. C'est à vous. Over to you. First, say, now I understand. Maintenant, je comprends. Now say, now I don't understand. Maintenant, je ne comprends pas. Here's another example, this time with two negatives. Vous n'êtes pas Monsieur Saville? Je ne comprends pas. Listen again and repeat. Vous n'êtes pas Monsieur Saville? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas de Snack Track? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas Hélène Andéol. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas de Londres. Je ne comprends pas.